Je suis venu à Comala parce qu'on m'a dit qu'ici vivait mon père, un certain Pedro Paramo. C'est ma mère qui me l'a dit, et je lui ai promis d'aller le voir quand elle serait morte. J'ai pressé ses mains pour lui assurer que je le ferais. Elle se mourait, et j'étais prêt à lui promettre n'importe quoi. « Ne manque pas d'aller le trouver, m'a-t-elle recommandé. Il s'appelle comme ci et comme ça. Je suis sûr qu'il sera content de te connaître. » Dans ces conditions, il a bien fallu lui dire que je n'y manquerai pas. Et à force de le lui dire, je le répétais encore après avoir non sans peine détaché mes mains de ses mains mortes. « Surtout, ne lui réclame rien. N'exige que notre Dieu. Ce qu'il me devait et ne m'a jamais donné. L'oubli dans lequel il nous a laissés. Fais-le lui payer cher. Mon enfant. » « Je le ferai, maman. » Mais je ne comptais pas tenir ma promesse. Du moins, jusqu'à ces derniers temps, quand j'ai commencé à me remplir de rêves, à laisser les illusions grandir. C'est ainsi que je me suis bâti tout un monde autour de l'espoir qu'était pour moi ce monsieur, appelé Pedro Paramo, le mari de ma mère. Voilà pourquoi je suis venu à Comala. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Paramo. Pedro Paramo. Pedro. Pedro Paramo. Paramo. Pedro Paramo. De Juan Rulfo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov, d'après la traduction de Gabriel Diagouli. Premier épisode. C'était pendant les jours caniculaires, où souffle le vent d'août brûlant, corrompu par l'odeur putride des savonniers. Le chemin montait et descendait. Il monte ou il descend selon que l'on s'en va ou que l'on arrive. Pour qui s'en va, il monte. Pour qui arrive, il descend. Comment avez-vous dit qu'il s'appelle, le village qu'on voit en bas ? Comala, monsieur. Vous êtes sûr que c'est bien Comala ? J'en suis sûr. Pourquoi a-t-il cet air si triste ? Les temps sont durs, monsieur. J'avais l'impression de tout voir à travers les souvenirs de ma mère, sa nostalgie et son fatras de soupirs. Elle avait toujours vécu en soupirant après Comala, le retour à Comala, mais elle n'y était jamais retournée. Maintenant, j'y viens à sa place. J'apporte avec moi les yeux avec lesquels elle a regardé toutes ces choses, parce qu'elle m'a donné ses yeux pour voir. Il y a là, une fois franchi le col des Colimotes, la plus belle des vues sur une vallée verte que jaunit un peu le maïs mûr. De cet endroit, on aperçoit Comala, qui blanchit la terre, l'éclaire pendant la nuit. Sa voix était assourdie, presque éteinte, comme si elle parlait pour elle seule. Ma mère. Et qu'allez-vous y faire à Comala, si ce n'est pas indiscret ? Voir mon père. Ah, la fête qu'il va vous faire. Après toutes ces années où personne par ici n'a montré le bout de son nez, on sera bien content de voir quelqu'un. Qui que vous soyez, il sera heureux de vous voir. Dans la réverbération du soleil, la campagne ressemblait à un étang limpide qui allait se dissolvant en vapeur, où transparaissait un horizon gris. Plus loin, une chaîne de montagnes. Et encore au-delà, les lointains les plus reculés. Et on peut savoir à quoi il ressemble, votre père ? Je ne le connais pas. Je sais seulement qu'il s'appelle Pedro Paramo. Ah, tiens. Oui, on m'a dit qu'il s'appelait comme ça. Ah. J'étais tombé sur le bourriquier à Los Encuentros, où plusieurs chemins se croisent. J'avais attendu là jusqu'à ce que cet homme se montre. Où allez-vous ? Je descends par là, monsieur. Vous ne connaîtriez pas un endroit appelé Comala ? C'est justement là que je vais. Je l'avais suivi. J'étais parti derrière lui en m'efforçant de régler mon pas sur le sien. Jusqu'au moment où il s'était apparemment avisé que je le suivais et avait un peu ralenti son allure. Depuis, on avançait si près l'un de l'autre que nos épaules se touchaient presque. Moi aussi, je suis un fils de Pedro Páramo. Après avoir franchi les hauteurs, nous n'avons plus arrêté de descendre. On avait laissé là-haut le vent chaud et on s'enfonçait dans de la touffeur pure, sans un souffle d'air. Tout semblait être en attente d'on ne savait quoi. Il fait chaud ici. Oui, et c'est encore rien. Ne vous agitez pas. Vous la sentirez encore plus, la chaleur, quand on arrivera à Comala. Là-bas, on est sur le brasier de la terre, dans la gueule même de l'enfer. Pour vous dire, la plupart de ceux qui y meurent, une fois arrivés dans le feu éternel, reviennent ici chercher leur couverture. Connaissez-vous Pedro Páramo? Qui est-il? La rancune en personne. J'ai senti le portrait de ma mère dans la poche de ma chemise me réchauffer le cœur, comme si elle aussi était en sueur. C'était une vieille photographie au bord usé, la seule que j'avais jamais vue d'elle. Je l'avais trouvée dans le buffet de la cuisine, au fond d'une marmite pleine d'herbes. Feuilles de mélisse, roses de Castille, brins de rue. Depuis lors, je me l'étais gardée. Il n'y en avait pas d'autre. Cette photo, je l'avais prise avec moi, en me disant qu'elle pourrait jouer en ma faveur quand il faudrait que mon père me reconnaisse. Regardez! Vous voyez ce versant qui ressemble à une vessie de porc? Bon, juste derrière, c'est la Media Luna. Maintenant, tournez-vous un peu par là. La voyez, la pointe de cette hauteur? Regardez-la. Et maintenant, tournez-vous un peu de ce côté-ci. Vous voyez cet autre pic que l'on aperçoit à peine tellement il est loin? Eh bien, vous avez là toute la Media Luna d'un bout à l'autre. Comme qui dirait toute la terre que l'on peut embrasser du regard. Et toute cette terre lui appartient. Avec ça, nos mères nous ont mis au monde à la sauvette sur une paillasse. Tout fils de Pedro Páramo que nous soyons. Le plus drôle, c'est encore qu'il nous ait portés sur les fonts baptismaux. Il a dû en aller de même pour vous, non? Je ne m'en souviens pas. Allez au diable et plus vite que ça. Que dites-vous? Que nous sommes rendus, monsieur. Oui, je le vois bien. Mais c'est quoi ça? Un géocoucou, monsieur. C'est comme ça qu'on les appelle, ces oiseaux. Non, je voulais dire, qu'est-ce qui est arrivé à ce village? Il a l'air aussi désert que s'il était abandonné. On dirait que personne n'y habite. On dirait pas, c'est comme ça. Personne ne vit ici. Mais... Et Pedro Páramo? Ça fait des années qu'il est mort. Pedro Páramo. C'était l'heure où les enfants des villages jouent dans les rues et emplissent le soir de leurs cris. Où les murs dans l'ombre reflètent encore la lumière jaune du soleil. C'était du moins ce que j'avais vu à Sayula. Pas plus tard que la veille, à ce même moment. Maintenant j'étais là, dans ce village sans bruit. J'entendais mes pas frapper les pierres rondes qui pavaient les rues, mes pas résonnants, dont le bruit était répercuté par les murs que colorait le soleil du soir. C'est à cette heure-là que j'ai marché dans la grande rue. J'ai regardé les maisons vides, les portes défoncées, envahi par la végétation. Au débouché d'une rue, je me suis arrêté quand j'ai vu une dame enveloppée dans son châle disparaître, comme si elle n'était pas de ce monde. Puis mes jambes se sont remises en mouvement et mes yeux ont continué de lorgner les portes ouvertes jusqu'au moment où, devant moi, la femme au châle a de nouveau croisé mon chemin. Bonsoir. Venez d'où vives? Où habite-t-elle? Là-bas, la maison à côté du pont. J'ai alors pu m'assurer que sa voix était produite par un souffle humain. Bonsoir. Que sa bouche avait des dents. Une langue qui se tendait et se détendait quand elle parlait. Et que ses yeux étaient pareils à ceux de tous les gens qui vivent sur terre. La nuit était tombée. Alors, bien qu'il n'y eût ni jeu d'enfants, ni pigeons, ni toit bleu, j'ai senti que le village vivait. Et que si je n'entendais que le silence, c'était parce que je n'y étais pas encore habitué. Sans doute avais-je encore la tête pleine de bruit et de voix. Oui. De voix. Et ici, où le vent se faisait rare, on les entendait mieux. Elles restaient en vous, pesantes. Je me suis rappelé ce que m'avait dit ma mère. Là-bas, tu m'entendras mieux. Je serai plus près de toi. Tu trouveras la voix de mes souvenirs plus proche que celle de ma mort. Si la mort a jamais eu une voix. Ma mère, la vivante. J'aurais aimé lui dire « Tu t'es trompé d'adresse, tu m'as donné une fausse indication, tu m'as envoyé là où nul ne trouve son chemin, dans un village abandonné, pour chercher quelqu'un qui n'est plus. » En me laissant guider par le bruit de la rivière, je suis arrivé à la maison près du pont. J'ai voulu frapper, mais ça a été inutile. Ma main s'est agitée dans le vide, comme si le vent avait ouvert la porte. Une femme était là. « Entrez. » Je vais plus loin, là où l'on voit ces deux hauteurs se rejoindre. Ma maison est là. Si vous voulez venir, vous serez bien reçu. Si vous préférez rester ici, à votre aise, après tout, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil au village. Vous y trouverez peut-être un habitant encore vivant. Où pourrais-je me loger? Allez trouver Donia Edouviches, si elle vit encore. Dites-lui que vous venez de ma part. Comment vous appelez-vous? Abundio. Je suis Edouviches Diod. Entrez. Tout est prêt. Qu'y a-t-il là? Des bricoles. Ma maison est devenue un véritable bric-à-brac. Ceux qui sont partis n'ont pas trouvé d'autre endroit pour ranger leurs affaires et personne n'est revenu les chercher. Mais la pièce que je vous ai réservée est au fond. Je veille à ne pas l'encombrer, au cas où quelqu'un viendrait. Alors, comme ça, vous êtes son fils. Le fils de qui? De Doloritas. Oui, comment le savez-vous? Elle m'a averti que vous alliez venir. Aujourd'hui même. Que vous arriveriez aujourd'hui. Qui? Ma mère? Oui. Voilà votre chambre. Mais il n'y a même pas de quoi se coucher ici. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous devez être très fatigué, et quand on est fatigué, il n'y a pas de meilleur matelas qu'un bon somme. Dès demain, je vous installerai un lit. Vous savez bien qu'il n'est pas facile de s'organiser en un rien de temps. Il faut avoir été prévenu, et votre mère vient seulement de m'avertir. Mais elle est morte, ma mère. Ah! Alors je comprends pourquoi sa voix était si faible quand je l'ai entendue. Comme si elle devait traverser une très grande distance pour arriver jusqu'ici. Maintenant je comprends. Elle est morte depuis longtemps? Une semaine. Ma pauvre. Elle a dû se sentir abandonnée. On s'était fait la promesse de mourir ensemble, oui. De partir à deux, pour s'encourager mutuellement, pendant notre voyage, si besoin était. S'il nous arrivait de rencontrer une difficulté. Nous étions très liés. Elle ne vous a jamais parlé de moi? Non, jamais. C'est curieux. Il est vrai que nous étions bien jeunettes à l'époque. Elle venait à peine de se marier. mais nous nous aimions beaucoup. Ta mère était si jolie, si, disons, si tendre que l'on avait plaisir à l'aimer. Envie de l'aimer. Alors, comme ça, elle m'a devancée. Je la rattraperai, tu peux en être certain. S'il y a une chose que je comprends, c'est à quel point le ciel est loin de nous. Mais je sais comment m'y prendre pour raccourcir le chemin. Le tout est de mourir avec l'aide de Dieu quand on le désire, et non pas quand il le décide. Ou, si tu préfères, de le forcer à en décider avant l'heure. Oh, pardonne-moi de te tutoyer. Et je le fais parce que je te considère comme mon fils. Oui, je l'ai dit bien des fois. Le fils de Dolores aurait dû être le mien. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Tout ce que je veux te dire, pour le moment, c'est que je rattraperai ta mère sur l'un ou l'autre des chemins de l'éternité. J'ai cru que cette femme était folle. Puis je n'ai plus rien cru. Je me suis senti dans un monde lointain et me suis laissé emporter. Mon corps, qui semblait mollir, se plier à tout, avait largué les amarres. Et n'importe qui aurait pu jouer avec lui comme avec une poupée de chiffon. Je suis fatiguée. Viens manger quelque chose d'abord. Juste un morceau. Mais viens. Je viendrai. Plus tard. L'eau qui gouttait des tuiles creusait un trou dans le sable de la cour. Elle faisait entendre un ploc-ploc, puis un autre ploc en tombant juste sur une feuille de laurier qui, dans une fente entre les briques, basculait et se remettait en place. L'orage s'était éloigné. Les nuages partis, le soleil tirait la lumière des pierres, irisait tout, buvait l'eau de la terre, s'amusait à faire scintiller les feuilles avec lesquelles le vent jouait. Que fais-tu tout ce temps au cabinet, mon enfant ? Rien, maman. Si tu restes là, un serpent va sortir et te mordre. Oui, maman. Je pensais à toi, Susanna, sur les vertes collines, quand on jouait au cerf-volant à la saison du vent. On entendait tout en bas la rumeur vive du village, pendant qu'au-dessus de lui, en haut de la colline, la ficelle de chanvre emportée par le vent m'échappait. Aide-moi, Susanna ! De douces mains se pressaient contre les miennes. Lâche plus de ficelles ! Le vent nous faisait rire. Il liait nos regards, pendant que la ficelle, glissant entre nos doigts, lui courait après jusqu'à ce qu'elle casse avec un léger claquement, comme coupée par les ailes d'un oiseau. Tes lèvres mouillées semblaient avoir reçu un baiser de la rosée. Je t'ai dit de sortir de ce cabinet, mon petit. Oui, maman, j'arrive. Je me souvenais de toi. Des moments où tu posais sur moi ton regard d'aigle marine. Pourquoi mets-tu si longtemps à sortir de là? Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Et tu ne peux pas le faire ailleurs? C'est malsain de rester aussi longtemps au cabinet. Et puis tu devrais trouver quelque chose à faire. Pourquoi ne vas-tu pas aider grand-mère à égrener le maïs? J'y vais, maman, j'y vais. Grand-mère? Ça vous aider à égrener le maïs? C'est déjà fait. Mais on va préparer du chocolat. Mmh. Où étais-tu passée? On t'a cherché pendant tout l'orage. J'étais dans l'autre cour. Et que faisais-tu? Tu priais? Non, grand-mère. Je regardais tomber la pluie. Ah. Va donc nettoyer le moulin. À des centaines de mètres au-dessus des nuages. Et plus loin encore, beaucoup plus loin de tout, tu es cachée, Susanna, caché dans l'immensité de Dieu, derrière la divine providence, où je ne peux t'atteindre ni te voir, et où mes paroles n'arrivent pas. Grand-mère, le moulin ne marche plus. La molette est cassée. C'est encore cette Michaela qui a dû vouloir y moudre du maïs. Impossible de lui faire passer cette mauvaise habitude. Résultat, il est fichu. Pourquoi on n'en achète pas un autre? Celui-ci était si vieux qu'il marchait même plus. C'est juste. Mais avec les dépenses que l'on a faites pour enterrer ton grand-père et tout ce qu'il a fallu donner à l'église, nous n'avons plus un sou. N'empêche, avec un petit sacrifice, on en achètera un autre. Tu ferais bien d'aller trouver Donia Inès pour lui demander de nous faire crédit jusqu'en octobre. On la remboursera à la récolte. Oui, grand-mère. Et pendant que tu y es, pour ne pas que tu y ailles seulement pour ça, dis-lui de nous prêter un tamis et une serpe. Les plantes ont tellement poussé qu'elles vont bientôt nous arriver où je pense. Dis à Donia Inès que nous lui paierons à la récolte tout ce que nous lui devons. Oui, grand-mère. Il est allé faire un tour du côté de l'étagère où était posée l'image du Sacré-Cœur et y a trouvé 24 centavos. Il a laissé les 4 centavos et a pris les 20. Où vas-tu? Chercher un moulin neuf chez Donia Inès. Le nôtre est cassé. Achète-moi quelques cachets d'aspirine. Tu trouveras de l'argent dans la jatte du couloir. Il y a trouvé un peso. Il a laissé les 20 centavos et a pris le peso. Maintenant, j'ai assez d'argent pour voir venir. Je regardais tomber l'averse, illuminée par les éclairs. À chaque respiration, je poussais un soupir, et chacune de mes pensées était pour toi, Susanna. Pourquoi n'es-tu pas allé dire le rosaire? Nous sommes en pleine neuvaine de la mort de ton grand-père. Je me sens triste. Alors elle s'est retournée. Elle a éteint la flamme du cierge, fermé la porte et elle a éclaté en sanglots qui, mêlés à la pluie, ont continué de se faire entendre. L'horloge de l'église a sonné une heure après l'autre, une heure après l'autre, comme si le temps avait raccourci. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov, d'après la traduction de Gabriel Diaculi. Premier épisode. Avec Jacques Bonafé, le narrateur. Bernard Bouillon, le bourriquier Abundio. Éric Charon, Juan Preciado. Henri David Cohen, Pedro Páramo enfant. Marie Daude, la grand-mère de Pedro. Nita Klein, Doña Eduviges. Denis Lavant, Pedro Páramo. Marie-Christine Letor, la mère de Pedro. Franky Pain, la villageoise. Emmanuel Riva, Dolores. Fanny Touron, Susana Enfant. Et les voix de Paola Cordova, Sofía López, Odile Lauria, Giovanni Ortega, Emiliano Suárez, Manuel Ulloa. Bruitage, Sophie Bissant. Musique originale, Léon Milo. Violon, Sébastien Surel. Guitare, Arnaud Dumont. Viol de gambe, Philippe Foulon. Percussion, Florent Jodelet. Flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egorov. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.